sont éteints. Bonjour la vie des grands déresponsables, où gris et noir sont toujours à la mode. Adieu sans espoir aux marchands de sable et à ses nombreux compagnons d'exode. L'amour, le jeu, le sport et le savoir, l'ex-enfant a tout eu pour s'épanouir. Mais aujourd'hui, à son grand désespoir, sa jeunesse n'est plus qu'un souvenir, qu'un souvenir. Papa Noël n'a pas laissé d'adresse, la petite souris a fui son trou. L'ex-enfant n'a plus que le feu aux fesses pour affronter le tourbillon des fous. Jouer, il n'en a plus vraiment le temps. D'ailleurs, il n'en éprouve plus l'envie. Cette vérité lui ronge les sangs. Il n'imaginait pas les choses ainsi. L'amour, le jeu, le sport et le savoir, l'ex-enfant a tout eu pour s'épanouir. Mais aujourd'hui, à son grand désespoir, sa jeunesse n'est plus qu'un souvenir, qu'un souvenir. Hier, son rire était fait de cristal et d'éclat pur sans arrière-pensée. Maintenant, son rire est rare et banal, une politesse à peine habitée. Le stress est tendu par ses propres soins, à tel point qu'il ne sait plus ne rien faire, le prive de paix dont il a besoin, nul repos pendant la fête des nerfs. L'amour, le jeu, le sport et le savoir, l'ex-enfant a tout vu pour s'épanouir. Mais aujourd'hui, à son grand désespoir, sa jeunesse n'est plus qu'un souvenir, qu'un souvenir. L'angoisse et le dégoût en lui exultent, le monde a fait de son cœur un œdème. L'ex-enfant devenu trop vite adulte, à ses rêves bouffés par le système. Jeunesse n'est